Pas de chance, sur cette partie d'autoroute, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence. Je viens de crever, et je me suis arrêté le plus possible à droite, mais je suis sur une voie réservée aux véhicules lents. Pour rester en vie, il est urgent que tous les passagers quittent la voiture et viennent se placer derrière le rail de sécurité. Ensuite, le conducteur ou un des passagers, muni d'un gilet de sécurité, doit se diriger vers la borne d'appel d'urgence la plus proche pour prévenir le centre de contrôle qui fera intervenir le dépanneur agréé pour cette section de route. Il serait suicidaire de changer une roue ici, surtout si c'est une roue gauche. Aller à la station la plus proche n'est pas la bonne solution, car celle-ci peut être à plus de 10 km, et de toute manière, ils n'ont pas le droit d'intervenir directement. Réponse B.